Les réunions élargies de la 61e session plénière du comité central de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, de la 74e session plénière du comité central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée et de la 73e session plénière du comité central de l'Union démocratique des femmes de Corée se sont déroulées respectivement le 30 mai à Pyongyang. Y ont pris part les membres des comités centraux des unions et les cadres des organisations centrales et locales des unions. On y a discuté sur l'accomplissement parfait de la tâche de programme précisée par le maréchal Kim Jong-un au rapport du 7e congrès du Parti Travail de Corée. Les orateurs ont dit que le maréchal Kim Jong-un a précisé l'objectif ambitieux de la cause socialiste en continuant vigoureusement la révolution sur la base des idées et des exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et sous la bannière de la transformation de toute la société par le Kim Il-sungisme, Kim Jong-lisme. Ils ont appelé tous à contribuer activement à anticiper la victoire finale dans l'édification d'une puissance prospère socialiste. Dans la réunion élargie de la 61e session plénière du comité central de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, on a discuté sur la convocation du 9e congrès de l'Union et sur la révision de la nomination des présidents et vice-présidents des organisations de tous les échelons de l'Union.